Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 10. De l'éternité de Dieu. Définition de l'éternité. Dieu seul est éternel. En quoi le temps diffère de l'éternité? Qu'est-ce que l'éviternité? 1. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, répond Boès, est la possession entière, simultanée et parfaite, d'une vie sans limite. La définition est irréprochable. Notre esprit est ainsi fait que nous arrivons au simple par le composé, c'est l'idée du temps qui nous donne la notion de l'éternité. Or, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est la mesure du mouvement. En effet, comme dans tout mouvement il y a succession et qu'une partie vient après une autre, quand nous comptons un avant et un après, nous avons l'idée du temps, qui n'est rien autre chose que celle d'antériorité et de postériorité appliquée à des objets qui se meuvent. Que si maintenant nous imaginons une existence qui soit par sa nature même en dehors de tout mouvement, une chose immobile par son invariable uniformité, nous avons la notion de l'éternité. De plus, parce qu'il y a dans tout mouvement un commencement et une fin, on dit avec raison que ce qui commence et ce qui finit arrive dans le temps et est mesuré par le temps. Mais ce qui est absolument immuable ne saurait avoir ni commencement ni fin, puisque, dans une semblable existence, la succession n'est pas possible. Il est aisé de voir par là que deux choses appartiennent essentiellement à l'éternité, être sans limite, c'est-à-dire sans commencement ni fin, voilà la première. Voici la seconde, n'avoir point de succession, et, en conséquence, exister simultanément. Or, ces deux propriétés de l'éternité sont parfaitement indiquées dans la définition donnée par Boès. Le mot possession y désigne l'immutabilité et l'indéfectibilité de ce qui est éternel, car posséder, c'est jouir d'une chose en toute sécurité. Le mot entière nous marque que cette possession a tout ce qu'elle peut avoir. Pour écarter l'idée du temps, la définition dit que l'éternité est simultanée, et, quand elle ajoute l'expression parfaite, elle fait entendre qu'il ne s'agit pas de cet instant rapide dont nous jouissons actuellement et qui nous échappe. Ce qui est véritablement éternel n'est pas seulement une chose, c'est un être vivant, de là le mot vie, qui figure dans cette définition. 2. Dieu est-il éternel? Le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel, dit le symbole de saint Athanase. L'immutabilité nous donne l'idée de l'éternité, comme le mouvement produit l'idée du temps, la discussion précédente nous l'a fait voir. Puisque Dieu est souverainement immuable, il est donc souverainement éternel. Il y a plus. Il est son éternité. En effet, il est son être permanent et uniforme, en d'autres termes, comme il est son essence, il est son éternité. Note. Je sais que saint Augustin a dit que Dieu est l'auteur de l'éternité, mais il faut entendre cela de l'éternité communiquée. Dieu donne son éternité à certaines créatures dans la même proportion qu'il leur donne son immutabilité. Si l'Écriture attribue parfois à Dieu le passé, le présent et le futur, c'est que son éternité renferme tous les temps. Quand elle dit que Dieu règne au-delà de l'éternité, cela signifie que, la durée des siècles fût-elle éternelle, Dieu régnerait cependant au-delà, vu que, son éternité étant simultanée, elle est par là même plus parfaite qu'aucune autre. Au fond, l'éternité n'est autre chose que Dieu-même. Dieu, dit-on, est incompréhensible, il est vrai, vous ne comprenez pas son éternité, mais l'éternité d'un être quelconque est rigoureusement démontrée, par là même que quelque chose est aujourd'hui, il faut nécessairement que quelque chose ait toujours été. Car si, Avant tout ce qui a commencé, quelque chose n'existait pas, il n'y avait donc que le néant, et s'il n'y avait eu que le néant, il n'y aurait que le néant encore, le néant ne peut rien produire. Il est donc un être incréé, éternel, existant avant tous les temps, jamais il n'a eu de commencement, jamais il ne finira. La mesure de sa durée passée, c'est l'éternité, la mesure de sa durée future, c'est encore l'éternité. C'est ce qui a fait dire à Pascal, l'homme est un point placé entre deux éternités. Que cet être éternel soit Dieu ou la matière, nous ne l'examinerons point ici. Voilà toujours les athées forcés d'admettre l'éternité d'un être quelconque, et quoi néanmoins de plus incompréhensible, Frayssinous. Fin de la note. 3. Dieu seul est-il éternel? Dieu seul n'a pas commencé d'être, donc il est seul éternel. Lui seul est absolument immuable, donc encore il est seul éternel, car l'éternité, c'est l'immutabilité. Note. Ne soyons pas surpris que la Sainte Écriture prête à de certaines choses la dénomination d'éternel. Ces choses sont appelées éternelles parce qu'elles participent à l'éternité en tant que Dieu leur a donné l'immutabilité. Telles sont les montagnes, les collines, tels sont surtout les anges, les bienheureux qui, impérissables dans leur être, jouissent au sein de l'éternité de la contemplation de Dieu. Et voilà pourquoi on dit que ceux qui voient Dieu ont la vie éternelle, comme dans ces paroles de Saint Jean, « La vie éternelle est de vous connaître, vous le seul Dieu véritable. » Jean 6, 3. Fin de la note. Pour l'enfer, il est éternel, parce qu'il n'aura pas de fin, mais, à proprement parler, c'est le temps plutôt que l'éternité qui lui appartient. Les damnés, dit Job, passeront des eaux glaciales à une chaleur extrême. Job 24, 19. Par où l'on voit que les peines des damnés changent. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, leur temps, ce sont les siècles. Psaume 80, 16. Quoi qu'ailleurs on lise, allez, maudit, au feu éternel. Matthieu 25, 41. 4. Quelle est, en définitive, la différence du temps et de l'éternité? Il faut bien se garder de confondre l'un avec l'autre. Mais sur quoi se fonde la distinction? Est-ce, comme quelques-uns l'ont dit, sur ceci, que l'éternité n'a ni commencement ni fin, tandis que le temps a l'un et l'autre? Ce n'est là qu'une différence accidentelle. Quand on supposerait, avec ceux qui professent l'éternité du mouvement, que le temps a toujours été et qu'il sera toujours, il y aurait encore une différence essentielle entre le temps et l'éternité. Laquelle? L'éternité est simultanée, le temps est successif, l'éternité mesure l'être permanent, le temps mesure le mouvement, le temps et l'éternité ne s'appliquent pas aux mêmes êtres. 5. Entre le temps et l'éternité, il y a comme un terme moyen, c'est la pérennité, l'évum, l'éviternité, selon l'expression de quelques-uns. Voir, des instants, à Maître Philippe. Explication tirée du traité de la consolation, pros 6. L'éternité étant la mesure de l'être permanent, un être sera d'autant moins éternel qu'il sera moins permanent. Or, il est des choses qui sont si peu permanentes que leur être sert de sujet au changement, s'il est le changement même, tels sont les corps matériels et le mouvement. Ici la mesure de la durée, c'est le temps. D'autres ont un caractère plus permanent. Leur être n'est ni le changement, ni le sujet du changement, bien que, accidentellement, elle ne soit pas exempte d'une certaine variation, soit en acte, soit en puissance. Ce sont les corps célestes, dont l'être substantiel n'est pas soumis au développement, et qui, s'il change, ne change que de lieu, ce sont surtout les anges, qui ont tout à la fois l'immutabilité de nature et la mutabilité locale avec la liberté d'intelligence et d'affection. Ceux qui mesurent cette catégorie d'être, nous l'appelons l'évum, ou l'éviternité. L'éternité étant, comme nous l'avons dit, la mesure de l'être tout à fait immuable, l'éviternité est le moyen terme entre elle et le temps. L'éternité, en effet, n'a ni antériorité ni postériorité. Le temps est l'un et l'autre. L'éviternité n'a en soi ni l'antériorité ni la postériorité, mais elle peut les admettre. 6. Le temps est un, l'éternité est une. N'y a-t-il aussi qu'une seule éviternité? Les docteurs sont partagés sur ce point. La solution de ce problème dépend de l'opinion que l'on admettra sur les substances spirituelles. Sont-elles sorties de la main créatrice avec une certaine égalité de nature et de perfection, et dès l'origine des choses, ou bien procèdent-elles de Dieu d'après une certaine progression hiérarchique? Dans la première opinion, il y a plusieurs éviternités, parce qu'il y a plusieurs êtres perpétuels qui appartiennent au même ordre, dès le commencement, par leur origine. Dans la seconde, qui nous paraît la mieux fondée, il faut dire qu'il n'y a qu'une seule éviternité, car si chaque être est mesuré par le plus simple de son genre, les êtres éviternels le sont par le premier de leur ordre, qui est d'autant plus simple qu'il l'emporte davantage par sa supériorité. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.